3. Comme un grand oiseau, la nuit est étendue sur la ville. Mais il a neigé les jours précédents, et à travers les bonnes ténèbres, Dolph aperçoit la face pâle de la terre, pâle comme celle des trépassés. Il court le long du fleuve, à toutes jambes, comme quelqu'un qui, perdu sur les plages, écoute gronder derrière ses talons la mer rapide, sans que, toutefois, le bruit que font ses sabots en retombant sur le sol soit aussi pressé que les battements de son cœur dans sa poitrine. Au loin, dans le brouillard, les réverbères ressemblent à la procession des porteurs de cierges dans les enterrements. Il ne sait comment cette idée lui est venue, et elle lui fait peur, parce que derrière, il voit la mort, encore une fois. Maintenant, il heurte des formes silencieuses, marchant avec mystère d'un pas diligent. Sans doute on les a appelés en hâte, ils se rendent au chevet des moribonds, pense-t-il. Puis il se souvient que c'est la coutume en Flandre de mettre cette nuit-là dans la cheminée, à la place du foin, des carottes et des navets qui ont déposé les petits pour servir de nourriture à l'âne de Saint-Nicolas, des poupées, des chevaux de bois, des harmonicas, des violons, ou simplement de grands hommes en Spiekelhaus, selon la fortune de chacun. « Ah ! » dit-il soulagé, « ce sont des pères et des mères qui vont aux boutiques. » Cependant, les tristes réverbères, pareils à des porteurs de cierges, à présent semblent se donner la chasse sur les quais. Leurs petites flammes courent en tous sens, se croisent, ont l'air de gros papillons de nuit. « J'ai la berlue, ainsi, dit-il. Sûrement, il n'y a de papillons que dans ma tête. » Tout à coup, il a entendu des voix. On crie, on appelle, on se lamente. Des torches vont et viennent le long de la rive avec de rouges lueurs que le vent secoue comme des lanières parmi des tourbillons de fumée. Et dans le tremblement des feux, Dolph distingue des silhouettes qui se démènent, et d'autres se penchent sur le fleuve, sombre comme un puits. Alors, tout s'explique, les réverbères n'ont pas bougé de place, mais il a été induit en erreur par les falots errants. « Cherchons Dolph Jeffers !» crient deux hommes. « Il n'y a que lui qui soit capable d'en venir à bout. » « Voici Dolph Jeffers !» répond aussitôt le brave garçon. « Que lui voulez-vous » Il y reconnaît à présent. Ce sont ses amis, ses frères de misère et de peine, des bateliers comme lui. Tous l'entourent en gesticulant, et un vieux, ridé comme une plie sèche, frappe sur son épaule et dit « Dolph, au nom de Dieu, un chrétien se noie. Au secours, il n'est peut-être plus temps. Habit bas, Dolph !» Dolph regarde l'eau, les falots, la nuit qui est sur sa tête et les hommes qui le caressent de leurs mains. « Compagnon, s'écrie-t-il, devant Dieu je ne puis, rien que j'ai dans les maux, et je ne suis pas maître de ma vie. »« Dolph, au secours !» crie encore le vieil homme. Et de ses mains qui tremblent, il lui montre ses habits ruisselants d'eau. « J'ai trois enfants, Dolph, et pourtant j'ai déjà plongé deux fois, mais les bras ne vont plus. » Dolph se tourne vers les figures pâles qui font cercle autour de lui. « Lâche ! S'écrie-t-il. Il n'y en a donc pas un parmi vous qui veuille sauver un homme qui se noie ?» Mais la plupart courbent le front et haussent les épaules, comprenant qu'ils ont mérité cette injure. « Dolph ! Crie de nouveau le vieux. « Aussi sûrement que la mort est la mort, je descendrai encore une fois si vous n'y allez pas vous-même. « God, God, le voilà !» s'écrient dans ce moment les gens qui promènent les falots sur l'eau. « Nous avons vu ses pieds et sa tête. À l'aide !» Dolph jette au loin son habit et dit froidement au batelier « J'irai. » Il dit encore « Qu'un de vous court chez Madame Puzel et la ramène sans tarder au Guldendisch. » Puis il fait le signe de la croix et murmure entre ses dents « Jésus Christus qui êtes mort sur la croix pour racheter les hommes, ayez pitié de votre créature. » Il descend vers la rive, la poitrine nue, et la foule qui le suit tremble pour sa vie. Il regarde un instant le fleuve traître sur lequel les flambeaux égouttent des larmes de sang, ainsi qu'il regarderait sa propre mort. Et comme quand un gros poisson frappe l'eau de sa queue, le fleuve bouillonne. « Le voilà !» répètent les mêmes voix. Alors l'abîme s'ouvre. « Riegje ! » a crié Dolph. Et comme une prison, le flot froid se referme sur lui. Des ondulations qui s'élargissent rident seule la noire étendue que la lumière des torches fait paraître plus noire encore. Un silence lourd règne parmi le groupe qui regarde de la rive. Quelques hommes entrent à mi-corps dans le fleuve qu'ils battent avec de longues gaules. D'autres déroulent des câbles qui vont à la dérive. Trois d'entre eux se sont glissés dans un canot et rament sans bruit, en ayant soin de remuer les falots à ras de l'eau, et l'homicide Esco coule, comme de l'éternité, avec un murmure doux, en léchant la rive. Deux fois, Dolph remonte à la surface, et deux fois il disparaît. On voit ses bras qui s'agitent, et sa figure blanchit vaguement dans la nuit. Il fend de nouveau le gouffre glacé et plonge au plus profond. Subitement, ses jambes s'immobilisent comme nouées avec les algues perfides par les rancuniers esprits des eaux. Le noyé s'est accroché à lui. Il comprend que, s'il ne parvient pas à se dégager, c'en est fait de l'un comme de l'autre. Ses membres sont plus étroitement scellés que s'ils étaient rivés dans un écrou. Alors une lutte horrible s'engage. Ils descendent dans les bouts du lit. Tous deux frappent, mordent et se déchirent, comme de mortels ennemis dans les ténèbres roulantes. Dolph prend à la fin le dessus. Les bras qui le paralysaient cessent de l'étreindre. Il sent flotter à présent le long de son corps une masse inerte. Une lassitude funeste comme le sommeil s'est emparée de lui. Sa tête penche en avant et l'eau lui entre dans la bouche. Mais la lueur des falots perce l'épaisseur des flots. Il rassemble ses forces, entraînant après lui cette proie qu'il vient de disputer aux anguilles voraces, et sa poitrine respire enfin l'air vital. Une grande clameur s'élève alors. « Hardy, Dolph !» crie la foule haletante, qui tend les bras par-dessus le fleuve. Des bateliers ont amassé du bois sur le bord et ont mis le feu. La flamme monte en tournoyant et le ciel en est éclairé au loin. « Par ici, Dolph, courage, Dolph, cœur du bon Dieu, courage !» hurle encore la foule. Dolph est sur le point d'atteindre la berge. Il fend l'onde de toute la vigueur qui lui reste et pousse devant lui le corps inanimé. La rouge lumière du bûcher se répand comme une huile enflammée sur ses mains et sa figure, et brusquement, à côté de la sienne, éclaire la figure du noyé. À peine a-t-il vu ce visage blême qui le repousse du poing au fond de l'eau, et un cri de rage sort de sa poitrine. Il vient de reconnaître l'homme qui a déshonoré sa Riegje et a fait fructifier ses entrailles. Dolph, le loyal garçon, a eu pitié de la pauvre fille de pêcheur délaissée et l'a prise pour femme devant Dieu et devant les hommes. Il le repousse donc. Mais le noyé, qui sent le fleuve se refermer encore une fois sur lui, enlace son sauveur dans ses bras plus durs que le fer. Alors tous deux disparaissent dans le noir de la mort. Et Dolph entend une voix qui dit en lui « Meurs, Jacques Carnavache, il n'y a pas assez de place sur la terre pour toi et l'enfant de Riegje. » Et une autre voix répond à celle-là « Vis, Jacques Carnavache, car mieux vaudrait frapper ta mère d'un coup de maillet sur la tête. »